C'est notre attitude qui doit être altérée. Une fois qu'on sort de nos attitudes, on se libère d'un enchaînement économique. T'en souffres plus d'économie quand tu changes d'attitude. Quand tu rentres dans ton intelligence, mais il y a le facteur de temps qui entre en jeu. Donc, ils vont pas tous vous mettre sur un plat d'argent, mais ils vont vous présenter un plat d'argent demain. Vous avez un qu'à attendre demain. Mais au moins, vous savez que demain, pour vous autres, il y aura un plat d'argent. Mais vous passerez par les péripéties, c'est-à-dire vous passerez par tout l'acheminement du changement de vos vibrations au niveau mental et émotionnel pour en arriver à ça. Parce que demain, votre plat d'argent, il sera vécu, connu, réalisé, expérimenté, selon les lois d'une autre conscience qui ne convient pas à votre conscience d'aujourd'hui. L'homme conscient ne peut pas être pauvre. C'est pas ça. Un homme qui est pauvre, c'est un homme qui n'est pas conscient. Il ne s'agit pas d'être riche à craquer, mais il s'agit d'être à l'aise et d'avoir ce qu'on a besoin pour bien vivre, c'est-à-dire pour bien balancer nos vibrations. Ça fait partie de l'intelligence de l'âme. Pensez-y bien à cette affaire de temps-là. Regardez ça, l'affaire du temps. Si vous êtes dans votre intelligence, vous n'avez pas besoin d'être pressé. Si vous êtes dans votre corps de délit, vous allez pouvoir être pressé de faire des gaffes. Si vous êtes dans votre intelligence, vous êtes pressé. Supposez-tu que vous pensez que vous achetez une maison? 10 000 piastres, vous achetez une maison. 5 ans, 6 ans, tu peux facilement te mettre 10 000 piastres de côté. Si tu as l'idée fixe. Il n'y a pas un homme qui pourrait se mettre 10 000 piastres de côté dans 5 ans. S'il y a l'idée fixe, tu prends 10 000 piastres, tu divises par 5 ans. Ça fait 2 000 piastres par année. Tu prends 2 000 piastres par année, tu divises par 12. Je donne un exemple, je parle. Tu divises. Mais il faut que tu aies l'idée fixe, parce que si tu n'as pas l'idée fixe, à ce moment-là, ton 10 000 piastres, tu vas le perdre. Tu vas t'acheter une paire de culottes que tu ne devrais pas t'acheter. Et elle va venir de ton corps de désir. Elle ne viendra pas de ton intelligence. Si tu as l'idée fixe, elle va être fixée par ton intelligence. Tu n'en mordras pas, tu n'en sortiras jamais de cette affaire-là. Au bout de 5 ans, tu vas avoir ta maison. Alors, tu n'es pas pressé, tu n'as pas besoin de suite, tu es bien sur le Saint-Hubert avec tes nœuds de poisson. Dans 5 ans, au moins, tu. T'as-tu du bon sens? L'intelligence vous permettra de vivre comme vous ne pouvez pas vous imaginer, mais vous permettra de vivre intelligemment, de sorte que vous serez bien la façon dont vous vivez. Et ça dépend encore toujours de l'ajustement de votre corps émotionnel, de votre corps mental, puis la vibration maîtresse que vous devez avoir avant de rentrer dans cette énergie-là. C'est ça que vous souffrez là, pendant votre après le séminaire en montant. C'est ça qui vous amène à cette colère de l'esprit quand vous vous révoltez. C'est ça qui vous amène à débloquer cette intelligence-là. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche.